Quatrièmement, après la bataille. Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul hussard qu'il aimait entre tous pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval, le soir d'une bataille, le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait, sanglant, sur le bord de la route, râlant, brisé, livide, et mort plus qu'à moitié, et qui disait « à boire par pitié !» Mon père, ému, tendit à son hussard fidèle une gourde de rhum qui pendait à sa selle et dit « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé !» Tout à coup, au moment où le hussard baissé se penchait vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisit un pistolet qui l'étreignait encore et vise au front mon père en criant « Caramba !» Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. « Donne-lui tout de même à boire, » dit mon père.